18 janvier, Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel à vous parler ce matin. On va d'abord parler du côté des Saguenay-Chicoutimi qui ont perdu contre l'Océanique de Rimouski par le compte de 4 à 3. Il y a Nicolas Roy qui a marqué un but et a amassé une passe. Niles Morgan a marqué un but de même que Joey Ratel. Au tournoi Pee-wee Bantam de Saint-Félicien hier, les Sabres de Roberval ont gagné 2 à 0 sur les Sénateurs de Saint-Félicien. Dans le match, Charles Grenier et Marc-Olivier Langlais ont marqué des buts. Au niveau du Bantam Bay, les Sabres de Roberval ont gagné 4 à 1 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Dans le match, Raphaël Corneau avec une production de 2 buts et une passe. Il y a Simon Thériault qui a également marqué. Brady Allen et Jermaine Nawashish ont marqué, de même que Olivier Girard. Et la réplique des perdants est venue de Zachary Gagnon. Et dans le Pee-wee 2B, les Rapides de Boom-Sisney, les Bulldogs de Saint-Félicien ont fait un verdict nul de 2 à 2. Et dans le match pour les Rapides, notons qu'Anthony Simard et Christopher Minier ont marqué des buts pour les Rapides. Et pour les Bulldogs, notons que Mathis Saint-Hilaire et Tommy Néron ont marqué. Je vous donne maintenant le classement à POC. Au niveau Bantam, les Rapides de Boom-Sisney figurent très bien, sont au 11e rang. Mastouillache est au 16e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 89e rang. Et au niveau junior 2A, les Épervilles de Normandin sont au 26e rang et les Sabres de Roberval occupent le 37e rang. Football maintenant, les Cougars du Cégep de Jonquière ont annoncé la signature de 3 joueurs de Dolbeau-Mistassini. Il s'agit du demi-défensif Jonathan Potvin, le porteur de ballon Jordan Fortin ainsi que Philippe Godreau. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, l'instructeur-chef François Laberge nous parle comment s'est passé le recrutement. Les trois gars sont venus visiter le cégep avec les parents. On regardait les infrastructures et tout. C'était des gars avec qui on était en contact déjà depuis peut-être 2 ans. On les recrutait pas officiellement parce que quand ils sont pas en secondaire 5, on les laisse aller un petit peu avec ça. Mais c'est ça, on a réussi à avoir 3, puis on a quelques autres noms avec lesquels on est toujours en discussion. Puis c'est surtout les choix scolaires. Je pense que les gars sont intéressés à venir jouer pour les Gaillards, les autres joueurs avec qui on a des discussions. Mais c'est vraiment valider le choix scolaire avant de prendre la tête. François Labelle explique que ces 3 joueurs auront la chance de se donner une place très rapidement avec l'équipe. Vous savez? Tout dépendant, ça dépend lequel, dépendant de la position aussi, de la force de l'équipe, mais je pense que c'est 3 gars qui sont capables de prendre du terrain rapidement, puis dès le début vont être impliqués dans la course pour gagner des spots de partant, parce que on a 3 postes de demi-défensif partant à combler, on a 3 postes de receveur partant à combler, puis on a le poste de porteur de ballon numéro 1 est ouvert, donc ces gars-là vont être amenés directement dans la compétition, vont avoir la chance de jouer. J'ai aucun doute que Jordan Fortin, le porteur de ballon, va être capable de jouer rapidement. Jordan est prêt, il a un physique et c'est un gars qui est capable de jouer physique. Donc, pour ce qui est de la transition collégiale juvénile, j'ai aucun doute que ce gars-là est capable. Je pense que Philippe, avec ses qualités athlétiques, en étant comme receveur aussi, où on a un besoin, va être capable rapidement de faire sa place. C'est sûr que c'est un sport de confiance, donc on le mettra pas dans une situation où on va ruiner sa confiance. On va le mettre en confiance, on va le mettre à l'aise avec le cahier de jeu. Quand il va être à l'aise, j'ai aucun doute qu'il va être capable de jouer activement. Puis Jonathan Potvin nous a prouvé avec ses 6 matchs avec les Mustangs que c'est un joueur qui était capable de faire le saut collégial puis d'avoir un impact dès sa première année. Donc je pense que c'est des gars qui vont clairement avoir leur chance. C'est sûr que ça dépend beaucoup de la préparation physique que les gars vont avoir dans la prochaine, prochains mois, les 7-8 prochains mois. Puis... Et dans un dernier temps, François Laberge explique qu'il est en négociation avec 2 autres joueurs relatifs de Dolbeau-Mistassini. Oui, écoute, c'est sûr qu'on a, comme je t'ai parlé un petit peu au début, on a encore 2 autres joueurs de Dolbeau qu'on a ciblés, qu'on aime beaucoup. Je vais garder les noms pour le recrutement, là, pas donner d'idées à d'autres mondes, mais je pense que ces gars-là ont déjà été convoités par d'autres équipes quand même. Mais on a 2 gars de Dolbeau qu'on a encore dans notre mire, puis on a quelques gars de Saint-Félicien et autour de Saint-Félicien, le Normandin, ces places-là, qui jouent pour les Centurions qu'on a dans notre mire. Donc oui, on continue le recrutement. On a la première pratique hivernale qui s'en vient, qui va être le samedi 4 février. Donc, le samedi 4 février, on sait qu'on a des gars du haut du lac qui vont venir faire la pratique. Souvent, ça permet aux jeunes de voir l'ambiance dans l'équipe, de connaître les instructeurs, de connaître les... On va parler maintenant de Marianne Saint-Gelais. Puisque faute de budget, l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste ne participeront pas à la Coupe du monde qui aura lieu à Minsk. C'est en Biélorussie. Donc, l'équipe canadienne qui est en restructuration budgétaire. Par contre, l'équipe canadienne seront présentes comme d'habitude à Rotterdam au championnat du monde aux Pays-Bas du 10 au 12 mars prochain. Et puisqu'il est question de patinage de vitesse, ben hier on a eu Marianne Segelin en entrevue. On sait que Marianne a terminé au premier rang cumulatif en fin de semaine aux qualifications canadiennes et elle explique que c'est de plus en plus difficile de bien performer là-bas. Sommet du niveau canadien, ça s'est jamais fait de façon facile. Je savais avec l'arrivée de Kim qui avait démontré dans les dernières années quand même une certaine force. Puis exactement là, tu penses que ce qui arrive avec Kim en ce moment, c'est pas anodin. Elle s'entraîne fort, elle travaille bien, elle a pris la pause nécessaire aussi pour se remettre sur le droit chemin. Puis ça fait que toute l'équipe en bénéficie dans le fond parce que c'est sûr que pour moi, c'est une bonne adversaire de taille. Puis ça nous pratique l'une et l'autre à nos courses internationales qui sont nettement plus importantes que les sélections canadiennes. OK. Sens-tu que Marie, je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marie-Anne Saint-Gelin. On a également parlé hier dans la section entrevue de danradiosport.com aussi avec François Laberge et aussi on a parlé avec Christian Ouellet, un joueur des Marquis de Jonquière. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.